طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي عليه رحمة الله باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه من لم يبلغه نعم. Donc l'imam Nawawi a titré comme chapitre le fait ou l'ordre d'avoir la foi en Allah Azza wa Jal ainsi que en son messager et à sa religion et le fait d'y appeler yani d'appeler à cette religion et le fait de poser la question à son sujet, c'est-à-dire au sujet de cette religion, et le fait de protéger cette religion, et le fait de transmettre, de la transmettre à ceux à qui elle n'a pas été transmise. Naam. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة أو عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ح ما معنى كلمة ح نعم أحسنت تحويل السند نعم وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دوك الحديث commence à partir de là c'est un hadith d'Abd Allah ibn Abbas qui dit قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم donc se sont présentés au prophète عليه الصلاة والسلام la tribu de Abd al-Qais. Naam. Faqalu ya Rasulallah, inna hadha al-hayy min Rabi'a. Donc ils ont dit que il provient de la tribu de Rabi'a. Wa qad halat baynana wa baynaka kuffar mudar. Et ils ont dit au prophète, yani, malheureusement, c'est interposé entre nous et toi la tribu de Mudar, qui est une tribu qui était à l'époque kafira. Naam. Fala nakhlusu ilayka illa fi shahr al-haram. Et on n'arrive pas, on ne peut t'atteindre ou arriver à toi, si ce n'est que pendant les mois haram, les mois sacrés. Naam, quels sont les mois sacrés? Ramadan? Ramadan? Hein? Muharram ou Ramadan? Non, pas Ramadan. Mafi Ramadan? Mafi Ramadan? يعني ايش عفوا يا عثمان قلت شعبان وماذا ورجب طيب ها ايش عندك ذو الحجة طيب الان عثمان قال شعبان ورجب وأبو هند قال رمضان وهذا ذو الحجة محرم طيب رمضان ما يوجد رمضان ما فيش نعم رمضان ما يعد من أشهر الحرم. طيب أشهر الحرم كم؟ أربعة. ذو الحجة، ذو القعدة، محرم. هذه الأشهر التي على تتابع. وشعبان. قالوا شعبان. إلى هنا يعني حصلت على الفوز، لكن غلطت في الأخير. قال شعبان. لا. ليس شعبان. ليس شعبان. رجب. نعم. رجب. أحسنتم. طيب. فمرنا. قال فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. Donc ils ont dit au prophète عليه الصلاة والسلام qu'il pouvait pas parvenir jusqu'à lui si ce n'est pendant les mois sacrés. Pourquoi? Parce que pendant les mois sacrés, les Arabes de la période anté-islamique, ils avaient pour habitude de ne pas combattre. Ça veut dire ils laissaient ceux qui voulaient parvenir à la Mecque, ils les laissaient y parvenir sans leur faire de tort. C'est pourquoi donc ce groupe de Rabi'a, de la tribu de Rabi'a, ont réussi à se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit cette parole-là. Donc ensuite ils disent ordonne-nous donc un ordre avec lequel on va œuvrer et de par lequel on va et sur lequel on va appeler ceux qui sont derrière nous, ceux qu'on a laissés derrière nous. Naam. Qala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, je vous ordonne quatre choses et je vous interdis quatre choses. Al-imani billah, thumma fassaraha lahum faqala. Donc la première des choses, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. Ensuite, il leur explique, qu'est-ce que la foi en Allah Azza wa Jal. Qala, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah. وتؤدي خمس ما غنمتم. نعم. طيب. Donc, il leur a expliqué c'est quoi la foi en leur disant que tu attestes qu'il n'y ait de divinité digne d'adoration autre qu'Allah Azza wa Jal et que Mohammed est son messager et que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de la zakat, que vous acquittez de la zakat. Et que vous acquittiez aussi du cinquième du butin ou de ce que vous allez obtenir comme butin. Ça donc c'est les quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Naam. الآن ما يعني ما يشكل عليكم أنه فسر الإيمان بما هو إيش في الحقيقة أو في حديث الذي مر بنا في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان ما أجابهم بهذه الأجوبة فلماذا من الفطن الكيس ها عندك نعم نعم أحسنت لأن الإيمان والإسلام إذا افترقت فاجتمعت في المعنى فهذا هو هذا وهذا هو هذا وإذا اجتمعت افترقت في المعنى نعم donc là le prophète Hassem il a expliqué la foi comme étant les mêmes choses que il a expliqué au sujet de l'islam, dans le hadith de Jibril. Et pourquoi cela? Parce que, en fait, l'islam et l'iman, la foi, lorsqu'ils sont évoqués dans un même endroit, ils ont tous les deux un sens différent. Mais lorsqu'ils sont évoqués l'un et l'autre dans un endroit séparé, donc ils ont le même sens. C'est-à-dire l'iman, ça devient également l'islam, et l'islam, ça devient également l'Iman. Mafhoum? Non. Donc, il leur a ordonné ces quatre choses. Ensuite, قال وأنهاكم عن الدب والحنتم والنقير والمقير زاد خلف روايته أو في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. نعم. Et donc il aura interdit quatre choses, يعني الدب والحنتم والنقير والمقير. Et ces quatre choses sont des récipients, en fait. Ce sont des récipients de différentes formes et de différentes matières. Et la particularité de ces récipients, c'est qu'ils sont d'une composante chaude. Ça veut dire que si toi, tu poses, tu renfermes un quelconque liquide dedans, il va chauffer plus rapidement. Donc le prophète, pourquoi il a interdit ces récipients-là? Parce que les Arabes, ils avaient l'habitude de faire du jus de date ou du jus de raisin. C'est-à-dire, ils laissent le raisin dans l'eau tremper pendant un jour. Des fois, ça peut être plus. Et après, ça devient un délicieux jus de date ou un délicieux jus de raisin. Mais s'il chauffe trop, après, ça sort, ça devient du khamr. Ça devient du vin sans même que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces récipients-là, ces quatre récipients. طيب قال الشيخ العثيمين وهذا الحديث فيه أن هذا الحي من ربيعة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولا فلا نخلص إليك يعني ما ننتهي إليك ونسيل إليك إلا في شهر الحرام. Donc dans ce hadith là, Cheikh Al-Uthaymeen il explique que donc ces gens qui viennent de la tribu de Rabi'a ont dit au prophète comme quoi ils ne peuvent pas parvenir à lui si ce n'est pendant les mois sacrés, car sur leur chemin se trouve la tribu de Mudar, qui est une tribu mécréante et qui qui peut leur faire du tort lors de leur passage. Naam. طيب. والأشهر الحرم أربعة: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وكان القتال في هذه الأشهر الحرم محرما حتى في الجاهلية. نعم. دونك يعني سا يعني شيخ العثيمين يسبيك que la bataille, le combat, même dans la jahiliya, c'était interdit pendant les mois sacrés. Naam. Ça veut dire que les kuffars, de Quraysh ou d'autres, ils avaient l'habitude de respecter ces mois-ci, les mois sacrés. Mais ce n'est pas tout le temps qu'ils les respectaient. Si des fois ils avaient une envie de combattre ou quoi, ils allaient combattre, comme on va l'expliquer Cheikh Al-Uthaymeen, ils allaient combattre pendant le mois sacré, et après ils allaient repousser la sacralité de ce mois-là au mois de Safar, مثلاً. عرفتم؟ Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala ankara alayhim hadha al-fi'l. نعم. قال وكان القتال في هذه الأشهر الحرم محرما حتى في الجاهلية وكانوا يتبعون أهواءهم في التحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وإذا احتاجوا إلى قتال في شهر محرم قاتلوا وأخروا التحريم إلى شهر صفر. نعم. Donc s'ils avaient besoin de combattre quiconque, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient combattre pendant ces mois qui sont sacrés et qu'ils reconnaissaient comme sacrés, et ils allaient, reculer la sacralité de ce mois au mois d'après. C'est-à-dire pendant le mois d'après, c'est là qu'ils allaient laisser la bataille. نعم. وفي هذا يقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. طيب نعم. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit innama an-nasi. An-nasi, c'est le fait qu'il reporte la sacralité d'un mois à un autre. Ce n'est autre cette action-là, de reporter la sacralité d'un mois à un autre, ce n'est autre qu'un rajout dans leur mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est autre qu'un rajout dans leur mécréance et de par lequel ceux qui ont cru s'égarent. Ils rendent licite, tantôt ils rendent licite, tantôt ils le rendent licite, et tantôt ils le rendent sacré. Naam. Naam. Afin d'avoir une équivalence sur le nombre de mois sacrés. Parce que si par exemple il profane un mois, après il restera combien de mois sacrés ? Trois. Et eux, ils voulaient garder absolument les quatre mois sacrés. Ça veut dire qu'ils allaient repousser la sacralité d'un mois. Naam. Naam. Taïb. Qala ya'ni yuwafiqu al-idda. C'est-à-dire afin qu'ils soient en concordance avec le nombre de mois sacrés. C'est pour ça qu'ils n'allumaient pas le mois. Innama yu'akhiruna. Mais ils le repoussaient. وهذه أربعة أشهر ولكنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال زين لهم سوء أعمالهم. cette affaire qui est mauvaise leur a été enjolivée. نعم. المهم يعني ساق هذا الحديث الإمام أن الإمام مسلم لبيان أن ما ذكر في هذا الحديث من أمور الإيمان الشهادة. نعم. الشهادة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذلك أداء خمس الخمس من الغنيمة. نعم. كل هذا من أمور الإيمان. نعم.